troisième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée au rapport de la France à l'Égypte et de l'Égypte à la France et de leur fascination mutuelle, aujourd'hui le canal de Suez. Alors que l'Égypte vote, ou ne vote pas d'ailleurs, pour le renouvellement du président Al-Sisi, nous consacrons une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire au rapport de la France à l'Égypte. Et nous poursuivons donc notre série sur cette fascination mutuelle de ces deux pays. Après avoir évoqué la passion pour les momies et les mystères de l'Égypte lundi, puis hier la naissance de l'égyptologie, et avant demain de traiter en débat des croisades et de Louis IX en Égypte, nous allons ce matin suivre Victor Massé de l'Épinay dans l'exposition qui ouvre cette semaine à l'Institut du Monde Arabe à Paris, une exposition consacrée au canal de Suez des pharaons au XXIe siècle. Le canal, une passion française qui mobilisa les imaginations des hommes du XIXe siècle avant que d'être même réalisé. C'est au son des trompettes d'Aïda, de Verdi, que nous sommes accueillis dans cette exposition « L'épopée du canal de Suez » à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Avec vous, Gilles Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commissaire scientifique de cette exposition. Hélène Breuner, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne de l'art, membre du conseil scientifique de l'exposition. Et Caroline Piquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne et membre également du conseil scientifique de cette exposition. Gilles Gauthier, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est au son de ces trompettes, de ces fameuses trompettes que nous sommes accueillis ici dans cette exposition? Parce que le Khedive Ismaïl, qui a invité toute l'Europe à assister à cette cérémonie, voulait marquer par cet opéra que son pays, comme il l'a dit, n'était plus en Afrique, qu'il était en Europe. Et donc il a fait une réception totalement européenne, et pour ça, quoi de mieux qu'un opéra? Un opéra qui était un opéra égyptien, dont le propos a été écrit, enfin, ou imaginé par l'égyptologue Mariette, qui était à la cour du Pacha, la musique confiée à Verdi. Mais on voit ici que cet opéra a été créé au Caire en 1871, un peu après l'inauguration du canal de Suez. Oui, parce que avec la situation à l'époque en France, pour des tas de raisons, je crois que les costumes avaient été bloqués, enfin, toujours est-il que ça a été repoussé. En fait, les visiteurs ont été accueillis au centre Rigoletto. Et c'est en effet en 1869 que nous plonge cette première grande salle de l'exposition, 1869, l'inauguration du canal de Suez. Il faut dire, Caroline Piguet, que cette exposition est une exposition chronologique, on raconte 4000 ans d'histoire, mais la première salle nous plonge quand même immédiatement dans l'inauguration avant de faire un flashback assez impressionnant. Oui, parce que 1869, c'est l'ouverture à la navigation du canal de Suez après un chantier qui a duré 10 ans, après des négociations qui ont duré plus de 20 ans. Alors c'est un événement international où sont invitées les grandes puissances, avec comme invité d'honneur l'impératrice Eugénie. Donc pour l'exposition, on a pensé que ça serait intéressant de faire entrer les spectateurs dans cette ambiance. Le navire d'Eugénie doit le premier pénétrer en mer Rouge, ouvrant une route impériale vers l'Inde, la Chine et le Japon. Donc autour de cette grande salle, on a des portraits, l'impératrice Eugénie, Napoléon III, le Pacha Ismaël, Ferdinand de Lesseps, dont on va parler bien sûr dans cette émission, et au centre, une gigantesque maquette qui représente la scénographie de cette inauguration avec trois pavillons. Est-ce que vous pouvez nous dire, Gilles Gauthier, ce que sont ces trois pavillons? Comment cette inauguration a été organisée et pensée? Alors le pavillon d'honneur, pour les hôtes d'honneur, pour les souverains, presque toutes les cours d'Europe sont représentées, souvent par des princes héritiers, mais tout de même, dans le cas de la France et dans le cas de l'Autriche, par des souverains. François Joseph est présent, et bien sûr l'impératrice Eugénie. Et puis deux autres pavillons où sont représentées les religions, les deux religions dominantes, qui sont la religion chrétienne, sous toutes ses composantes, et l'islam, donc chacune dans son pavillon. Au pavillon d'honneur, il y a une personnalité à laquelle on ne s'attend pas, c'est l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader qui avait donc, après avoir résisté à l'occupation française en Algérie, exilé en Orient, est un des plus fervents partisans du projet et contribue à convaincre les penseurs, les intellectuels égyptiens que ce projet est un bon projet. Alors cette inauguration a été représentée, on a derrière nous un grand tableau qui fait presque 4 mètres de long, quelque chose comme ça, d'Edouard Rioux, Hélène Breuner. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer quand on représente cette inauguration du canal de Suez ? Édouard Rioux est un des promoteurs du canal. Il a été choisi et promu par l'entreprise et la compagnie du canal de Suez pour représenter véritablement une réussite, un exploit en terre égyptienne et célébrer ce qui a été rendu possible d'un point de vue technique grâce aux avancées scientifiques, technologiques apportées par l'Europe. Mais dans l'œuvre de Rioux, et c'est tout l'intérêt effectivement ensuite d'analyser plus précisément ces images que l'on croit être uniquement promotionnel. Dans l'œuvre monumentale là, de Rioux, on voit les pavillons effectivement qui accueillent les principaux invités. Ils sont des milliers. Mais on a un premier plan qui met à l'honneur aussi, de façon un peu plus discrète, mais c'est un premier plan, donc il attire notre regard, une population indigène qui est là, qui est présente, qui semble un petit peu à l'écart, et en même temps, ces Égyptiens sont occupés à des tâches tout à fait traditionnelles de commerce, de repas, et ils sont dans une disposition de discrétion, mais à la fois représentant véritablement la population de cette Égypte. Donc il y a véritablement ces deux discours que souvent portent ces images, et qui sont parfois un peu absent de la littérature de voyage ou des chroniqueurs qui sont mobilisés en nombre pour cette inauguration parce que toute la presse est là, elle vient de toute l'Europe, on fait des chroniques illustrées dans les journaux de l'époque, on rend compte de cette gloire, et bien l'image parfois arrive à transmettre une autre réalité et à ne pas oublier non plus que les Arabes, les Égyptiens ont pris part également à cette grande aventure du siècle. Vous évoquez la presse qui est là, les journalistes qui sont là en nombre. On peut, les visiteurs de cette exposition pourront lire sur les côtés des journaux qui sont reproduits, des reproductions de l'illustration qui racontent cette inauguration. La fin des années 1860, c'est aussi les débuts de la photographie. Et on a quelques photographies de l'inauguration du canal de Suez, pas si nombreuses finalement. Non, parce qu'effectivement, la technique n'est pas encore extrêmement bien maîtrisée, mais il y a effectivement toute une série de photographes qui se sont spécialisés. Et quelque chose qui est très intéressant à souligner, c'est qu'ils se sont aussi spécialisés dans la représentation du chantier du canal. Donc, ce que l'on montre là, à l'entrée de cette exposition, c'est évidemment la prouesse réalisée. Et donc, il est intéressant de déployer des images et des photos pour célébrer la chose. Mais il y a tout un avant, et les 10 années de creusement du chantier, les 10 années de percement de 1859 à 1869 ont également produit tout un corpus d'images absolument incroyables que l'on voit aussi dans la presse illustrée. Et donc il y a tout finalement une couverture médiatique qui est également permise et qui est diffusée grâce à la photographie et qui prend vraiment beaucoup d'ampleur. Caroline Piquet, on a dit qu'il y avait l'impératrice Eugénie qui est vraiment la grande vedette de cette inauguration. Le roi de Prusse est là, le prince de Hanovre, le prince et la princesse des Pays-Bas, Abdelkader, Gilles Gauthier nous l'a dit, dans les grandes têtes couronnées de l'époque, on verra peut-être tout à l'heure, mais il y a deux absents, deux marques. C'est bien sûr le sultan, puisque à cette époque, l'Égypte était encore une composante de l'Empire ottoman, et la reine Victoria. Oui, parce que l'Angleterre s'est opposée très vivement au projet du canal de Suez défendu par les Français dans les années 1840 et 1850. La Grande-Bretagne y voyait une œuvre perfide de la France pour installer ses intérêts en Orient. Et quant au sultan, il est effectivement sous l'influence de la Grande-Bretagne. Il voit d'un très mauvais œil aussi cette installation des Français en Égypte. Je crois qu'il faut dire un mot pour bien faire comprendre ce qui se passe en Égypte à ce moment-là. On pourrait avoir l'idée que le canal est une œuvre étrangère, européenne. Ferdinand Lesseps est européen, les cadres techniques sont européens, mais on peut voir les choses d'une façon tout à fait différente. C'est que l'Égypte, depuis 1806, a entrepris une véritable renaissance sous l'impulsion d'une dynastie étrangère, mais qui prend l'Égypte comme centre de pouvoir et qui décide d'en faire un pays moderne. Cette dynastie étrangère, celle de Mohamed Ali, transforme le pays profondément, y compris dans ses structures, y compris dans sa législation. Elle le fait progressivement, elle le fait avec des experts venant de l'étranger, très ouverte, c'est une espèce d'Amérique, tout le monde débarque en Égypte pour apporter ses idées, et c'est dans cette logique que se situe le canal, et le canal au départ est un canal égyptien, voulu, décidé par le vice-roi d'Égypte, un canal contrôlé par l'Égypte. حبك توبة بس قابلني مرة وتبقى دي. Vous nous disiez, Gilles Gauthier, que le canal de Suez était une aventure égyptienne. Nous venons de monter l'escalier en longeant une frise chronologique qui nous a fait faire un bond de 40 siècles en arrière. Et nous arrivons au 18e siècle avant Jésus-Christ, dans l'Égypte antique, avec le pharaon Sésostris III, dont nous voyons la tête ici, et dans une série d'objets prêtés par le musée du Louvre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sésostris III? Est-ce que le canal de Suez, on peut dire qu'il existe depuis 4000 ans? On peut le dire en détournant un tout petit peu la réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, Sésostris III creuse un canal qui va de la mer Rouge au Nil, et comme le Nil à l'époque était navigable par des bateaux de haute mer, on peut aller, disons, de Chypre à l'Éthiopie en bateau. On ne le fait pas beaucoup. Ce qu'on fait plus, c'est aller d'Éthiopie, du Yémen, c'est-à-dire des pays de Punt, d'aller de là jusqu'au centre de l'Égypte, c'est-à-dire la vallée du Nil. C'était surtout là l'utilité de ce canal. Et cette liaison est utile puisqu'elle persiste pendant presque 20 siècles. Alors, selon les époques, bien sûr, le canal se comble, est abandonné, est à nouveau creusé. Et notamment, il est creusé par un occupant étranger, mais qui prend le titre de pharaon, qui est Darius Ier. D'ailleurs, nous avons un bel archer qui signale cette présence perse en Égypte. Lui, nous avons retrouvé, les archéologues ont retrouvé des quantités de stèles qui montrent cette présence perse et qui montrent que Darius s'enorgueillit d'avoir creusé le canal. En fait, il l'a restauré. Et ce canal lui était très utile parce que ce canal allait directement du cœur de l'Égypte, de la vallée du Nil, jusqu'à son empire. C'était ça son utilité. La question, c'est la relation entre la Méditerranée et la mer Rouge. Alors, ça se passe effectivement par un système de canaux sous l'Antiquité, et ça va durer ensuite, sous l'époque moderne et jusqu'au XIXe siècle, par d'autres moyens, notamment par ce qu'on appelle aussi la route terrestre, c'est-à-dire qu'avant le percement de l'isthme, on débarque par exemple à Alexandrie et on traverse l'isthme jusqu'à la mer Rouge. Alors c'est évidemment coûteux en temps, en argent, mais il y a des échanges bien avérés déjà entre les deux mers dès l'Antiquité jusqu'au percement de 1869. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce commerce-là, c'est le commerce qui va faire la richesse de Venise. Venise, qui, ce petit village de pêcheurs sur une lagune un peu malsaine, qui va devenir une des grandes puissances de l'époque, avec un empire colonial, et Venise, toute cette puissance est basée sur ce commerce qui passe essentiellement par Alexandrie. Mais arrive un événement qui est le contournement de l'Afrique par les Portugais, par Vasco de Gama, à l'extrême fin du 15e siècle. Et à partir de ce moment-là, les Portugais ont découvert une voie, et maîtrisent une voie de transport beaucoup plus rapide et surtout bien meilleur marché. Et donc Venise se rend compte que la ville va être ruinée. Alors les Vénitiens vont essayer de convaincre le sultan de creuser un canal. Nous sommes, Hélène Breugnant, devant un tableau qui date de 1869, donc de l'année de l'inauguration du canal de Suez, et qui montre ces Vénitiens présentant un plan, on le voit très bien, qui montre l'Égypte, la mer Rouge, la Méditerranée, avec un canal dessiné qui permettrait de faire la liaison. Qu'est-ce que ce tableau peut nous apprendre de la vision qu'on a eue au XIXe siècle de cette tentative des Vénitiens? Alors, il nous apprend surtout qu'il est intéressant pour les cours européennes de se promouvoir et de participer à ce moment de célébration. Et donc là, effectivement, c'est une commande qui est passée à Giulio Carnini et qui lui est passée l'année de l'inauguration. Et ça n'est qu'une peinture de commémoration pour finalement dire, bah oui, Venise appartient à cette histoire. Elle fait partie effectivement de ce grand élan d'ouverture et de réunion des deux mondes et des deux mers. Et donc chacun y va un petit peu de son autopromotion, de son autocélébration, et l'Italie évidemment, qui a soutenu le projet, qui a fait partie des soutiens à Ferdinand de Lesseps, participe aussi à cet événement de célébration commune. Alors, un des grands événements pour l'histoire de l'Égypte en général, pour le canal de Suez peut-être en particulier, c'est l'expédition d'Égypte de Bonaparte, 1798-1801. Et c'est ce qu'on nous montre dans la suite de cette exposition. Caroline Piquet, est-ce que Bonaparte, en arrivant en Égypte, pense au canal de Suez, pense à creuser et à favoriser cette route entre la Méditerranée et la mer Rouge? Ce n'est pas tant le canal de Suez qui anime Napoléon Bonaparte que l'idée, effectivement, de concurrencer les Anglais sur leur route des Indes et dans la région plus généralement. Alors, il part en Égypte avec une équipe de scientifiques qui, les premiers, vont travailler sur la faisabilité du projet. Donc, on va avoir les premiers relevés entre les deux mers. Ces relevés vont s'avérer erronés du fait des conditions de travail, mais ce sont les premières bases de travail qui vont servir ensuite à d'autres ingénieurs, notamment saint-simoniens dans les années 40, pour approfondir la question technique. Alors nous sommes devant un exemplaire de la description de l'Égypte, un exemplaire qui date donc du début du 19e siècle et qui présente l'isthme de Suez. Suez s'écrit alors S-O-U-E-Y-S. On voit d'un relevé très précis, un relevé scientifique, des courbes de niveau, la marée, les niveaux de marée haute, de marée basse. Vous avez dit, Caroline Piquet, qu'il y avait eu des erreurs. Donc c'est Jacques-Marie Lepère qui était directeur des ponts et chaussées à qui Napoléon avait confié l'étude sur la faisabilité d'un canal. La principale erreur, c'est qu'ils avaient conclu que le niveau de la mer Rouge était plus haut, nettement plus haut, de 9 mètres que le niveau de la mer Méditerranée, et que donc ils pourraient aller tout droit et faire des écluses et que ça passerait tout seul. Oui, ça a été la première élaboration d'un canal à écluses. Alors, cette idée d'un niveau différent entre la Méditerranée et la mer Rouge nourrit aussi une vieille obsession, une vieille peur d'une inondation de l'Égypte par la mer Méditerranée après une ouverture du canal de Suez. Donc, cette erreur sera en réalité révisée dans les années 1840 avec de nouveaux relevés qui concluront une différence négligeable entre les deux mers. Alors, au fond de la salle, on aperçoit là-bas Ferdinand de Lesseps, mais avant d'arriver à lui, il faut faire une étape par Prosper Enfantin et les Saint-Simoniens qui ont joué un rôle important aussi dans la conception, l'imagination de ce canal de Suez. Et qui sont-ils, ces Saint-Simoniens, Gilles Gauthier? Les Saint-Simoniens, du nom de Saint-Simon, qui est le promoteur de cette courant, sont des gens qui croient que la rédemption de l'humanité, c'est presque religieux d'ailleurs, ça prendra des formes de plus en plus religieuses, la rédemption de l'humanité viendra de la conjonction de la science et de l'industrie. Ce courant devient de plus en plus religieux, de plus en plus mystique, et Enfantin va devenir le chef de ce courant, il va se faire appeler le père, et il va ajouter à cela l'idée que cette humanité réconciliée ne naîtra, réconciliée et sauvée, hein, le salut de l'humanité vient de là, ne naîtra que quand le père qui vient d'Occident aura rencontré la mère qui vient d'Orient. Et il va en Égypte chercher la mère. Il va en Égypte, pas tout seul, mais avec tout un tas de gens. Tous ces gens-là, qui ont l'air un peu farfelus, hein, on voit sur ces images, ils ressemblent pas tellement aux personnages de l'époque. Ils ont un costume spécial. Et donc, ils sont souvent des gens très, très calés. Ce sont des ingénieurs, des polytechniciens. Napoléon vient de créer Polytechnique. Ce sont des polytechniciens. Et alors, eux, ils s'emparent de ce projet de canal avec passion, puisque ce projet de canal, c'est justement celui qui va unir les deux mondes. Et ils essaient de le vendre, de convaincre Mohamed Ali. Mohamed Ali est très, très malin. Il veut que ces gens-là restent parce qu'il est moderne. Il veut que le pays se modernise, mais il n'a pas envie de canal. Alors, il leur demande de faire un barrage. Alors, ils se lancent dans l'étude du barrage en se disant que plus tard, ils pourront faire le canal. Mais le canal, ça ne marche pas. Mohamed Ali est très réticent. Mais c'est d'eux que vient l'idée de canal. Et Ferdinand Lesseps les connaîtra quand il sera consul à Alexandrie. On est devant les portraits d'Enfantin, Prosper Enfantin. Hélène Breuner, Enfantin tel qu'on le voit sur ce portrait. Une figure christique. Il ressemble plutôt au Christ, voire à Moïse. Une sorte de colosse chevelu, barbu, avec une tunique, une vague tunique. On ne comprend pas trop à quoi ça ressemble. Ce qu'ont apporté en fait les Saint-Simoniens dans cette histoire des représentations du canal de Suez, c'est une forme effectivement, comme le disait Gilles Gauthier, de sexualisation, entre guillemets évidemment, pour finalement interpréter cette histoire de pénétration d'une terre, d'une mer, de deux mondes. Et il y a effectivement là toute une histoire de symbolique qui commence à arriver avec eux, bien plus avec eux qu'avec l'expédition d'Égypte, où là on a un rapport encore assez mécanique, technique et même de concurrence politique. Et là, il y a une dimension, une symbolique qui sera reprise ensuite par un Ferdinand de Lesseps qui n'est pas du tout avare en imagerie et qui lui-même, en parlant du rêve qu'il a de rejoindre les mondes et de l'arc-en-ciel qu'un jour il a rêvé une nuit d'un arc-en-ciel qui rejoint l'Orient et l'Occident, va rendre vivant ce projet du canal bien avant que les travaux ne commencent. Alors ces Saint-Simoniens ont donc des fortunes diverses en Égypte. Même Attali ne les garde auprès de lui, mais sans vraiment leur confier ce projet. Dans les années 1840, au milieu des années 1840, arrive un personnage très important qu'on a déjà évoqué, Ferdinand de Lesseps, et avec le fils de Mohamed Ali, Saïd Pacha, le projet du canal de Suez va vraiment pouvoir démarrer. C'est la collaboration de ces deux hommes dont on a deux bustes en marbre ici, avec aussi un portrait de Ferdinand de Lesseps. Saïd Pacha à droite, Ferdinand de Lesseps à gauche, le chien de Ferdinand de Lesseps aussi, en dessous. Est-ce que vous pouvez nous parler de la collaboration de ces deux hommes, Caroline Piquet, nous dire peut-être comment ils se sont connus et pourquoi ils ont réussi à s'entendre, pourquoi Saïd Pacha était moins réticent que son père à cette idée de canal? Ferdinand de Lesseps avait une grande expérience diplomatique. Il a été conçu dans les années 1830 en Égypte et il avait eu l'occasion de nouer une grande amitié avec Mohamed Sani, donc un des fils de Mohamed Ali. Lorsque celui-ci arrive au pouvoir, il peut donc lui présenter son projet de canal et de façon surtout plus pragmatique que le projet des Saint-Simoniens. C'est avant tout de cette activité diplomatique et de cette amitié que va naître la réalisation du canal de Suez. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelle forme va prendre ce projet de canal? Nous avons là exposé les pages manuscrites du premier acte de concession par le vice-roi d'Égypte à Ferdinand de Lesseps, qui établit donc une compagnie universelle pour le percement de l'isthme de Suez et la création d'un canal entre les deux mers. Qu'est-ce que c'est que ce caractère universel, Gilles Gauthier? Ce caractère universel, eh bien, c'est que cette compagnie va d'abord rechercher les capitaux un peu partout dans le monde. Ces capitaux sont surtout français, mais la volonté est que le canal appartienne au monde entier, non pas ne soit pas le canal de la France comme le craint la Grande-Bretagne, ne soit pas le canal d'un seul pays. Mais le canal reste égyptien par beaucoup de côtés. C'est, par exemple, c'est l'Égypte qui doit nommer le directeur de ce canal. L'Égypte contrôlera, au terme de cette entreprise, 44% des actions, ce qui est largement suffisante pour imposer sa volonté. Donc ce canal tel que l'a voulu Saïd et tel que l'a voulu Ferdinand de Lesseps est universel, mais reste un canal égyptien. Et ce document est très intéressant parce qu'il est à la fois très officiel et ensuite il a un côté amical, puisqu'il y a une phrase ici qui est assez amusante, c'est « à mon dévoué ami de haute naissance et de rang élevé, monsieur Ferdinand de Lesseps ». Bon, le dirigeant de l'Égypte était des souverains absolus, certainement, mais il y avait quand même une société égyptienne. Cette société égyptienne était partagée. Il y avait des Égyptiens qui étaient partisans de ce projet, qui pensaient que ça allait ouvrir leur pays, et d'autres qui étaient beaucoup plus réticents, comme le père l'avait été, puis comme une partie de l'opinion publique le restait. C'était des souverains absolus, Caroline Piquet, mais il y avait tout de même le sultan, l'Empire ottoman. Comment le sultan a-t-il vu ce projet de compagnie universelle qui associait des capitalistes de toutes les nations, mais ne semblait s'affranchir de la tutelle ottomane et de l'approbation du sultan? Lors de la première concession en 1854, le sultan ne donne pas son approbation. Cela signifie que la compagnie va être créée en 1858 sans l'approbation du sultan. Alors, Ferdinand de Lesseps se justifie en disant qu'il ne va se lancer que dans des travaux préparatoires, mais en réalité, il passe outre l'autorisation du sultan et du coup aussi de la Grande-Bretagne. Donc c'est un petit peu un coup de poker pour imposer cette réalisation, qui finalement ne sera reconnue par le sultan ottoman qu'en 1864, après un épisode diplomatique concernant la corvée, et qui aboutit du coup à un arbitrage et à la reconnaissance par le sultan de ce chantier. retrouver, on va en parler dans la suite de l'exposition, puisqu'en effet, une fois que l'accord de principe a été conclu, que les capitaux ont été réunis, il a fallu creuser ce canal, et ça a été des travaux, on peut peut-être dire pharaoniques. Nous sommes en Égypte. Hélène Breuner, nous avons là, quand on arrive dans cette section, sur la construction, le creusement du canal, l'extrait d'un film qui montre cette corvée, c'est-à-dire ces paysans égyptiens qui étaient réquisitionnés pour travailler dans des conditions extrêmement difficiles, qui sont morts par dizaines de milliers dans les premières années du creusement du canal. Oui, alors c'est un sujet effectivement qui est un peu encore crispant pour la patrimonialisation des mémoires partagées autour de ce canal de Suez. C'est un film en fait qui permet de rendre sensible à la réalité d'un chantier qui n'est pas évidemment évident dans la mesure où il n'est pas encore mécanisé. Ça le sera plusieurs années après, lorsque en 1863 la corvée est supprimée. Mais il y a effectivement dans la représentation des images et ensuite dans la façon dont les Égyptiens eux-mêmes, lorsqu'ils travaillent, cette mémoire s'empare de ce sujet et de l'histoire du canal, eh bien, il y a effectivement une représentation d'abord du labeur, des travailleurs, des fellahs qui ont été enrôlés et qui ont creusé en soulevant la terre, en la portant sur et en la déblayant sur leur couffe, sur ces paniers en fait, pour le creuser. Alors, il a été effectivement d'abord creusé à main d'homme, avec des contingents humains qui étaient prodigieux et qui ont donné lieu à des représentations absolument étonnantes, puisque on le voit parmi les peintres du chantier, ce qu'on appelle les peintres du chantier, ceux qui ont notamment été missionnés par la Compagnie universelle du canal de Suez pour représenter l'avancement d'un chantier. Il fallait rassurer aussi sur la bonne marche de ces 10 années de travaux. Eh bien, on voit en général des travailleurs qui sont montrés de façon très lointaine, comme des fourmis, en fait, qui sont voilà, attelés à leur tâche. Et on accentue davantage le gigantisme, en fait, et les proportions absolument incroyables de ce creusement, de ce percement en plein désert. Et on voit effectivement, alors, des images qui portent davantage des couleurs de sable et d'eau et de ciel un peu délavé. Et puis, surtout, cette espèce de grandeur et comme vous le disiez, d'espaces gigantesques où a lieu des travaux, où ont lieu des travaux pharaoniques. Et alors inversement, ce film dont on parlait montre la souffrance des travailleurs en insistant sur les gros plans des visages de ces paysans. On n'a pas dit de qui était ce film et de... Peut-être que je pourrais intervenir sur ce sujet parce que c'est un choix que les commissaires ont fait, le commissaire général et moi-même, le commissaire scientifique, de montrer ce film qui n'est pas un film historique, qui est un film des années 70 et qui traduit beaucoup plus la sensibilité égyptienne de cette époque que la réalité historique qui est très mal connue. Nous avons fait un catalogue qui illustre cette exposition et dans ce catalogue était composé moitié-moitié pratiquement par une équipe d'un universitaire égyptien et une équipe d'universitaires français. Et au niveau des universitaires, il n'y a pas eu de problème pour conclure que finalement on connaissait très peu de choses. Et le chiffre qui a été pris par une universitaire égyptienne est un chiffre beaucoup plus réduit que les chiffres qu'on entend généralement. C'était le chiffre de 23 000 personnes réquisitionnées par mois. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est s'il s'ajoutait à d'autres qui étaient déjà là, combien au total sont passés sur le canal. Il y a beaucoup d'imprécisions. Pour les morts, il y en a encore beaucoup plus. On ne sait pas vraiment. Mais il nous a semblé important de montrer cet aspect avec peut-être d'une façon un peu excessive de la violence qu'a représenté pour le peuple égyptien, pour ces paysans venus de Haute-Égypte, la violence qu'a représenté le fait d'être amené au milieu du désert. Les Égyptiens n'aiment pas le désert. Être amené au milieu du désert, entassé, sujet aux épidémies, voilà, c'est une volonté. Ça ne veut pas dire que c'est une représentation d'une réalité historique. Mais cette corvée, Caroline Piquet, vous l'avez évoqué tout à l'heure, a été tout de même au cœur d'un différend diplomatique et de l'Angleterre a insisté sur le caractère inhumain, on pourrait dire, de ce creusement pour essayer de le faire interrompre. C'est finalement Napoléon III qui a dû intervenir pour demander la fin de cette corvée, de cette réquisition forcée des fellahs égyptiens des bords de la mer Rouge et du Nil. En 1864, la corvée devient effectivement un prétexte pour l'Angleterre pour tenter de faire cesser le chantier. Alors, Concernant les chiffres, les estimations, c'est à peu près 400 000 fellahs réquisitionnés sur environ 3 années, 1861 et 1864. Alors c'est vrai que c'est une contribution énorme, et c'est surtout ce qui a très mal été vécu, c'est que c'est une contribution pour creuser un canal dans un désert, comme vous l'avez dit, avec des conditions de vie très, très difficiles, et pour une entreprise étrangère. À cela s'est ajouté que ça a désorganisé énormément les travaux des champs, puisque c'était des corvées sur à peu près un mois, en plus avec le temps d'aller et retour du paysan. Donc ça reste quand même dans la mémoire collective un élément fort qui a été transmis de génération à génération jusqu'au XXe siècle. Alors en 1864, l'Angleterre s'en empare et... Cette question met fin à la corvée grâce à l'arbitrage de Napoléon III, mais c'est un grand pas en réalité pour le chantier qui va être réalisé, puisque ça va obliger les services de la compagnie à mécaniser le chantier. C'est donc l'arrivée du rail, de l'électricité, de la vapeur et de ces images qui restent du chantier, à savoir ces grandes dragues et ces chantiers tout à fait modernes. Il y a une maquette de ces dragues qui est exposée ici à l'Institut du monde arabe, entre des photos du chantier. Je voudrais m'arrêter sur cette gigantesque plan maquette qui est présentée là, qui fait une dizaine de mètres de long et qui montre le canal, une fois qu'il a été creusé et inauguré, comme on l'a vu au début de cette exposition, Gilles Gauthier. Le départ de Port Saïd, vous voyez, Port Saïd qui est une ville nouvelle, entièrement nouvelle, qui a été créée à l'entrée du canal, dans des conditions d'ailleurs assez difficiles, d'insalubrité, qui est devenue une grande ville maintenant, qui a pris le nom de Saïd, qui a créé la ville, qui s'appelle toujours Port Saïd, qui n'a pas été traduit en arabe, d'ailleurs c'est toujours Port Saïd. Et un peu plus loin, au milieu du canal, nous avons une autre ville totalement artificielle aussi, au bord du lac Timsah. Les lacs préexistaient, hein, ces lacs existaient déjà. Au bord de ce lac, donc, une ville, Ismaïlia, très différente de Port Saïd, parce que ça va devenir la ville administrative, on l'appelle la cité-jardin, et il en reste quelque chose. C'est une ville charmante, maintenant encore, où se trouve toujours le centre administratif de la compagnie. D'ailleurs, le siège de la compagnie était à Ismaïlia. Il y avait un autre siège à Paris, si vous voulez, mais officiellement, c'était là qu'était le siège de la compagnie, qui va peut-être être restauré pour devenir un musée. Et puis plus loin, alors on continue à avancer et on arrive sur la mer Rouge. Et là, il y a une ville qui existait déjà, Suez, mais qui était une petite ville au bout du golfe, qui était un port, mais voilà, qui n'avait pas une importance considérable. Et quand pour le visiteur, alors là, je avance peut-être un petit peu dans le récit, mais imaginez pour le visiteur qui part de Londres, mais ou qui part même de Marseille, et qui arrive, là, il est en Méditerranée, terre connue, on est chez soi, et puis tout d'un coup, il arrive, il débouche sur les mers du Sud. Les mers du Sud qui ont tellement fait rêver, et ce voyage par Suez a joué dans l'imagination européenne un très grand rôle. Et ce port de Suez est devenu une porte, en effet, vers l'Orient, vers les mers du Sud. Hélène Breuner, nous sommes toujours dans cette exposition sur l'épopée du canal de Suez à l'Institut du monde arabe. Et on est surpris parce qu'ici, on se trouve devant des statues qui sont... on croit reconnaître la statue de la liberté. Qu'est-ce que la statue de la liberté a à voir avec le canal de Suez ? Eh bien tout, puisqu'en fait la figure de la femme portant la torche provient effectivement de ce premier projet qu'avait eu Auguste Bartholdi, colmarien d'origine, sculpteur, et qui est un jeune artiste qui, bien déjà dans les années 1850 en Égypte, avec d'autres peintres, Jérôme notamment, et qui, lors de l'exposition universelle en 1867 à Paris, se réjouit du pavillon égyptien qu'avait réalisé Auguste Mariette, va voir le pavillon de l'Isthme qui est juste à côté où l'on rencontre justement de l'avancée du canal et on montre ses plans reliefs pour montrer le tracé, et a cette idée géniale de proposer au Khédive Ismaïl une statue qui marquerait l'entrée ou la sortie, ça dépend dans quel sens on prend le canal, du canal de Suez à Suez même. Et il a cette proposition fabuleuse de prendre un personnage féminin, une femme, Fela, drapé. Avec ses terres cuites, vous voyez hein, ces petits modèles qu'il y a. Il réfléchit à plusieurs dispositions de bras, à imaginer également son piédestal. Et il se rend entre le mois de mars et le mois d'avril 1869, donc quelques mois avant l'inauguration qui a lieu en novembre. Il se rend en Égypte. Il souhaite rencontrer le Khedive Ismaïl, lui faire cette proposition, lui montrer son projet. Il est assez peu soutenu par Ferdinand de Lesseps, malheureusement. Il réussit à obtenir une audience. Il raconte à sa mère que oui, il a réussi à le voir, mais le Khedive Ismaïl n'a pas bien réagi ou n'est pas plus enthousiaste que ça parce que il est à tout autre chose. Il est en train effectivement de préparer l'inauguration, de réfléchir à l'organisation de ces grandes fêtes qui vont en plus lui coûter beaucoup d'argent. Donc un tel projet ne voit pas le jour aussi pour des raisons économiques et financières parce qu'il n'y a pas les fonds nécessaires pour le réaliser. Et effectivement, Auguste Bartholdi repart avec son projet, mais ne l'oublie pas et le reproposera plus tard aux États-Unis où en 1875, le projet sera par contre là présenté et soutenu par Ferdinand de Lesseps lui-même. Réveiller chez les Égyptiens certaines velléités. Ce canal, il est à la fois égyptien, universel, français, anglais, puisque les Anglais ont racheté dès la fin du 19e siècle les 44% des parts égyptiennes. Donc l'Égypte ne possède plus de parts dans l'entreprise du canal de Suez. Et la question va devenir politique au début du 20e siècle. Il faut voir ça dans la chronologie. Au départ, il est égyptien, même s'il est une compagnie étrangère, mais au départ, l'Égypte a la maîtrise de ce canal. Mais comme l'Égypte s'est lancée dans une entreprise de développement très coûteuse, on reproche beaucoup à Ismaïl Pacha ses dépenses, mais ses dépenses, c'était des dépenses... Il y en avait peut-être une partie qui était une dépense somptuaire, c'est possible, mais il y avait surtout la construction de chemins de fer, la construction d'écoles, d'investissements utiles au développement. L'Égypte s'endette terriblement. Les puissances extérieures, la France et la Grande-Bretagne, imposent à l'Égypte une tutelle économique, la présence d'experts au sein même du gouvernement égyptien. Et c'est la fin de l'indépendance de l'Égypte. Mais pour mieux marquer cette fin de l'indépendance de l'Égypte, la Grande-Bretagne, en 1882, occupe l'Égypte. Donc, à ce moment-là, le canal, oui, devient totalement étranger, à plus forte raison. Maintenant, c'est le pays tout entier qui est aux mains des étrangers. Mais dans ce pays tout entier aux mains des étrangers, le canal est encore une enclave encore plus étrangère et devient un objet de fixation pour les penseurs égyptiens et les politiques dès le début. Et alors là, Caroline Piquet, alors que nous entendons déjà un peu plus loin le discours de Nasser de 1956, nous sommes devant un livret de propagande contre les Anglais. On voit donc notre canal de Suez. Le percement du canal de Suez a coûté 18 millions de livres égyptiennes au taux ancien. L'Égypte seule a payé 16 800 000 livres. 200 000 ouvriers égyptiens ont creusé le canal avec leurs pioches et 60 000 y ont trouvé la mort. Résultat de notre sacrifice, occupation anglaise. Alors ce livret de propagande date de la Seconde Guerre mondiale, à un moment où justement les troupes anglaises réinvestissent le pays alors qu'il s'était engagé à le quitter en partie avec le traité de 1936. Donc cette préoccupation est très très mal vécue par la population. Elle rappelle aussi que le canal de Suez depuis 1882 est le symbole de l'impérialisme anglais dans le pays. Alors ce livret de propagande fait mention de deux guerres, 1916-1940, parce qu'effectivement les Anglais pendant la guerre vont considérer que le canal est un axe stratégique des Alliés. Alors, cela va mettre à mal toute la théorie sur un canal international, neutre en temps de paix comme en temps de guerre, comme il avait été décidé à la fin du 19e siècle. Et il apparaît, à partir de 1914, que c'est effectivement une zone stratégique et tenue par les Britanniques. Ce combat contre l'occupation anglaise va s'intensifier à partir de 1936, puisque le traité de 1936 prévoit un retrait des forces britanniques en Égypte, mais avec une concentration dans la zone du canal de Suez, qui va devenir une vaste zone militaire, la plus importante base militaire britannique au Moyen-Orient. Et c'est à partir de là que va s'intensifier la lutte nationale autour du canal de Suez. Et alors, 20 ans après 1936, en 1956, on l'entend dans la salle d'à côté, mais on va rester ici et on le voit aussi, le fameux discours de Nasser qui nationalise le canal de Suez. Gilles Gauthier, est-ce que vous pouvez nous dire la place qu'a cette nationalisation, la place que vous avez donnée dans l'exposition à ce moment de la nationalisation du canal de Suez? Un très beau discours, très émouvant, Nasser, à ce moment-là, est vraiment le leader qui continue, malgré tout, à être aimé dans le monde arabe et en Égypte. Nasser tient un discours tout à fait rationnel et pas du tout un discours hystérique comme on a voulu le présenter en Europe où on en a fait un nouvel Hitler. Nasser constate que l'Égypte a sur son sol une enclave étrangère qui, dont les bénéfices vont à l'étranger et décide de nationaliser cette enclave étrangère à l'époque où d'ailleurs la France vient de nationaliser des quantités de sociétés sans que personne ne proteste. Enfin, il ne fait que nationaliser une entreprise. Et cette nationalisation va déchaîner une haine au sein de en France, en Angleterre, un peu partout, et déchaîner ces guerres qui vont suivre, cette guerre de 56 qui va suivre. Nasser n'a pas, quand il est arrivé au pouvoir, à partir de 52, on n'a pas décidé d'emblée de nationaliser ce canal, qui devait redevenir égyptien en 1969, 68. 99 ans après l'inauguration. Mais il a voulu se consacrer à autre chose, c'est un grand projet qui était de construire un barrage à Assouan. Et il avait au départ de bonnes relations avec les États-Unis, avec à peu près tous les pays du monde, et il a cherché à obtenir des financements des États-Unis et de la Banque mondiale, qui étaient d'accord. Mais à ce moment-là, il y a eu aussi la volonté de Nasser d'acheter des armes, puisque l'Égypte venait d'être vaincue en 48 par Israël. Donc l'idée du réarmement de l'Égypte était présente. Et les États-Unis ont refusé. Donc il a acheté des armes à la Tchécoslovaquie. Et à partir de ce moment-là, les États-Unis ont refusé de financer le projet de haut barrage. Et les relations se sont envenimées. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris la décision de nationaliser le canal de Suez pour récupérer les bénéfices du canal. Et ça a été un mouvement de joie extraordinaire dans toute l'Égypte. Et je connais une princesse de la famille royale égyptienne qui est toujours ici, qui est à Paris actuellement, qui m'a dit le seul jour de ma vie où j'aimais Nasser, c'est le jour où il a nationalisé le canal de Suez. Il y a peu d'Égyptiens qui peuvent dire qu'ils n'ont pas ce jour-là partagé l'enthousiasme. Mais en passant, on le partage, cet enthousiasme. Je crois. Caroline Piquet, on entre ici dans l'avant-dernière partie de l'exposition, une partie qui est consacrée aux crises successives qui vont secouer cette zone du canal de Suez, du Sinaï, Israël est de l'autre côté du Sinaï et on entre dans une ère de conflit. Et nous sommes devant trois pages A4 tapées à la machine, simplement titrées protocole. Il s'agit là du protocole de Sèvres. Qu'est-ce que c'est que ce protocole de Sèvres, Caroline Piquet? Et est-ce que ça a été difficile de trouver cet exemplaire du protocole qui était un protocole secret? Alors, ce protocole, l'original, a été en effet détruit par les Britanniques et cette copie nous a été fournie par la famille de Christian Pinault. Alors, pourquoi ce protocole a été détruit par les Britanniques? Parce qu'il fait référence à des négociations secrètes entre la France, les Britanniques et Israël pour mener l'opération mousquetaire et débarquer donc à Port Saïd afin d'empêcher la nationalisation du canal de Suez. Alors, cette opération se fait contre l'avis des Américains et de la communauté internationale, d'où les accords secrets. Alors, les trois protagonistes nourrissent en réalité des objectifs différents. Pour la Grande-Bretagne, il s'agit de maintenir une présence militaire. Elle est surtout inquiète pour l'approvisionnement en Europe du pétrole. Pour la France, il y a le problème de l'Algérie. Nasser est accusé de financer le FLN. Elle s'inquiète également pour Israël. Et Israël, contre toute attente, est invité à ces négociations. Il n'a pas grand-chose à voir avec le canal de Suez, mais il y voit la possibilité d'envahir le Sinaï. Alors, cette opération, militairement, est plutôt une victoire sur le terrain à partir du 29 octobre, mais diplomatiquement, c'est un fiasco, puisque les Américains vont aussitôt demander l'arrêt des opérations, les Soviétiques également, et Nasser va finalement obtenir aussi le retrait des Israéliens. Donc ça va être une immense victoire diplomatique pour Nasser, malgré les 20 000 morts tout de même de cette opération dans la région. Donc c'est un fiasco diplomatique pour la France, l'Angleterre et Israël. Et c'est aussi un moment symbolique très fort, puisque c'est à l'issue de cette crise de Suez, Hélène Breuner, qu'à Port Saïd, la statue de Lesseps qui décorait et qui ornait le port va être dynamitée. Alors, elle ne faisait pas que décorer, elle accueillait, elle ouvrait en fait, et elle indiquait l'entrée du canal. C'est une statue qui avait été réalisée par Emmanuel Frémier en 1899, qui avait été commandée par la Compagnie universelle du canal de Suez. Et Emmanuel Frémier, dans la veine de la statuomanie du 19e siècle, réalise un portrait de l'homme en costume et qui porte le plan du tracé du canal et qui indique de l'autre main l'entrée du canal. C'était une œuvre finalement qui, peut-être à la différence de celle d'Auguste Bartholdi qui n'a pas pu être montée à Suez, symbolisée davantage par la figure du français, du grand français, comme l'avait appelé Gambetta, ce Ferdinand de Lesseps, en fait, était crispant en fait à cet emplacement-là, et il fait l'objet effectivement bien d'un élan un peu violent. On fait sauter cette statue comme d'autres ont été déboulonnés ailleurs en Algérie, et on essaye effectivement de reprendre à soi par la nationalisation en fait cette symbolique du canal et de supprimer ce symbole qui n'était pas égyptien. 11 ans après cette crise de Suez, la guerre des six jours en 1967 marque, Caroline Piquet, on peut dire, les années les plus sombres pour le canal de Suez, puisqu'il va être totalement fermé pendant 8 ans. Oui, la guerre des six jours est une catastrophe pour l'Égypte, elle perd le Sinaï, et surtout, cela provoque la fermeture du canal de Suez, qui devient une frontière militaire pendant 8 ans. Donc il faudra la guerre du Kippour en 73 pour que cette frontière soit passée par les Égyptiens. Enfin, le canal est franchi par les Égyptiens. Puis des négociations s'engagent avec Israël pour la réouverture en 1974. Cette réouverture aura lieu finalement en 1975, mais quand même avec des conséquences énormes. D'abord parce que le canal n'est plus adapté à la navigation mondiale, notamment à la navigation pétrolière, et il a perdu donc énormément en compétitivité. Il lui faudra plusieurs années pour retrouver son niveau de compétitivité d'avant 1967. Ces années de crise successives, 56, 67, 73, sont représentées dans cette exposition par des cartes, des photos, des témoignages enregistrés aussi de gens qui ont vécu ces années-là et qui témoignent. Et on va arriver, Gilles Gauthier, à la fin de cette exposition. Le nouveau canal 2015, c'est la fin de cette exposition, mais c'est une nouvelle étape, un nouveau départ pour le canal de Suez. Oui, alors le canal de Suez est soumis à une concurrence beaucoup plus forte que ce qu'on peut imaginer. Le contournement de l'Afrique est une voie qui a été utilisée pendant la fermeture du canal. Pendant les 8 ans, les flottes se sont habituées à contourner l'Afrique. Et puis, les bateaux sont devenus de plus en plus grands. Certains bateaux ne peuvent pas, toujours pas, passer sur le canal. Le tonnage maximum est de 250 000 tonnes sur le canal. Donc, actuellement, il y a des bateaux qui font 300 000 tonnes. Donc, il y a une nécessité absolue, si le canal ne veut pas mourir, en permanence de s'approfondir et de s'élargir et de se perfectionner. Alors, on peut considérer que ces travaux de dédoublement partiel sont dans la ligne de, ce, de cette adaptation du canal. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, en dédoublant le canal et en l'élargissant sur une partie, de supprimer la circulation alternée, de permettre à des bateaux d'entrer et des bateaux de sortir en même temps. Et donc, à partir de ce moment-là, de réduire considérablement le temps d'attente des bateaux, donc le coût de cette traversée, de rendre le canal compétitif. Ça, c'est un aspect important. Mais un aspect peut-être encore plus important, c'est qu'autour de ce canal élargi est en train de se développer une zone économique. Le Caire, qui est tout près, qui est à 120 km à peu près à vol d'oiseau du canal, le Caire s'étale maintenant vers en cette direction. Il y a des villes nouvelles, il y a de nouvelles capitales administratives. Donc là, nous avons la création autour du canal d'une zone de développement extrêmement importante, et c'est aussi ça l'avenir du canal. Merci à tous les trois, merci Hélène Breuner, merci Caroline Piquet. Je rappelle que votre livre « Le canal de Suez, une voie maritime pour l'Égypte et le monde » vient de reparaître aux éditions Éric Bonnier. Gilles Gauthier, bientôt un livre va sortir au mois de mai, je crois. Effectivement, « Entre deux rives, 50 ans de passion pour le monde arabe ». Également au mois de mai-juin, un ouvrage qui paraît sur les images du canal, « Une autre vision de l'Orient » aux éditions Marie Martin. Et bien sûr, le catalogue de l'exposition, l'épopée du canal de Suez, qu'on peut voir ici à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au mois d'août, qui partira ensuite à Marseille et qui partira ensuite l'année prochaine au Caire pour les 150 ans de l'inauguration du canal. Vous allez dire, c'est trop tard, catalogue bilingue, le catalogue est en arabe également. Voilà pour cette exposition et cette visite, donc conçue par Victor Massé de l'Épinay et Marie-Laure Ciboulet dans l'exposition de l'Institut du Monde Arabe sur le canal de Suez. Vous pouvez en savoir plus en vous rendant sur le site internet de France Culture et sur le dossier conçu et réalisé par Antoine Lachant, qui s'est rendu sur le canal de Suez. Des images, des reportages, un dossier, des archives qui permettent de compléter cette émission. Demain, nous conclurons cette série consacrée au rapport de la France à l'Égypte par une émission de La Fabrique consacrée à l'histoire des croisades en Égypte.